MC Tune, aka Diogo l'Inquisiteur. Un mixtape 2009, ouais. Je ne pompe pas de beat et je paye pas pour un feat. Tu veux un feat avec ma beat? Vas-y, c'est gratuit, j'ai besoin de personne pour sortir de la cave. Mes couplets sont chantés même dans les bouches de Poucave. Tu croyais quoi toi que t'allais stopper la tempête? Je suis comme une bombe éternelle qui tout le temps pète. Tu la rafales autour de moi, tout s'enflamme, tout en raffole. Si tu crois pas, demande à ta femme. Même assoiffé, je marcherai jusqu'au désert. Une fois rassasié, écoute du inox pour tout dessert. J'ai une arme blanche dans la bouche et je fais un balafré. Même avec une balle dans la hanche, continue à avancer. Je suis en avancée, toi tu mets les bâtons dans les roues. Tu croyais quoi que j'allais oublier? Et non, je te dérouille, caractère trempé dans l'acier. Je vois que tes yeux de mon assiette, ma fierté peut pas l'acier. Tiens, voilà mes miettes, toujours sous le gouvernement. Ton pays te dépouille, tu croyais quoi? On ne pas que des poches dans la smoule, y'a pas de paix. Tout se moque des lois, bouche et teuf, me dis but, ben ouais. Tu croyais quoi toi? Tu croyais que j'étais dead ou que je me dérais peut-être? J'm'enferme pas dans mon mal-être, j'm'exprime à travers mes lettres. Tu croyais que j'étais dead ou que je me dérais peut-être? Du plus profond de mon être, j'rappe jusqu'à n'avoir mal la tête. On refuse le port du voile, mais tous se voient la face. Tous rêvent de mettre les voiles et ce, quoi qu'on fasse. Pourquoi tu t'obstines à nier que t'es jaloux? J't'ai pas ta thune, ni ta sape, ni ta caisse, moi j'ai Walou. Je tourne pas ta veste, mais même plus me serrer la main. Ce que j'pensais hier de toi sera différent demain. Les années passent, les gens en changent, moi j'évolue. Regarde comme j'ai la classe, au louche sur moi dès ma venue. Fera des shows puyants, limite parfois hardcore. Technique de rime chamboulant, parfois les accords remettent tout le monde d'accord. À travers mon vivant, c'est le calme avant la tempête. Maintenant s'élève le vent. Mes 10 ans, mes créants, appelle-moi tous les créanciers. J'crée le néant, mon rap fait mal comme un crash boursier. Continue de jacter vos colonnes, j'vais les briser. Les culs de jade prennent leurs jambes à leur cou, allez courir. Il y a toi qui à travers ces mesures va se reconnaître. Tu veux me la faire à l'envers et tu crois tout connaître. Les trompes toi mec, dans le rap j'ai pas besoin de toi. T'es pas mon pote, ta bête, ben ouais. Tu croyais quoi toi? Tu croyais que j'étais dead ou que j'me dérais peut-être? J'm'enferme pas dans mon mal-être, j'm'exprime à travers les lettres. Tu croyais que j'étais dead ou que j'me dérais peut-être? Du plus profond de mon être, j'rappe jusqu'à n'avoir mal la tête. Sans raclure d'hypocrisie dans ce monde chature. Ça fait longtemps que ça dure, noir et ma ceinture. J'vise en le mille en ville, je ne vois plus que des victimes tectoniques, style tonique. Les teams avaient senti, je lâche pas les études. Je suis pas con, tu crois à quoi? Entre potes, on serre les coups tous ensemble au carcasse. S'écarte pas, s'exploite pas, tout ce qu'on fait, se te regarde pas. Ne gratte pas, ne mate pas, télécharge pas, si tu kiffes pas. Je reste droit, je fléchis pas, c'est ce qui me caractérise. En avançant, je réfléchis parce que l'époque l'oblige. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne, c'est vrai. Je suis atténu car mon caractère, c'est le rap qui l'a sauvé. Tu écoutes bien, sur beat, j'défonce comme la oui. C'est pas comme ces cons qui se rendent ridicules devant la oui. Effet de style, effet de mode, tu crois peut-être que je suis hostile parce que moi j'ai le pouvoir comme hostile. Je suis en avancée, sur tes joues coulent des rivières. Tu me balances, crois-moi, tu finiras sur la civière. Trop bon parfois, laisse sortir l'animal qui est en moi. Rancunier comme pas deux, ben ouais. Tu croyais quoi toi? Tu croyais que j'étais bête ou que je me dérais peut-être? Je m'enferme pas dans mon mal-être, je m'exprime à travers les lettres. Tu croyais que j'étais. J'défonce comme la weed. Tous les mecs en chien qu'on les croit, tiens, prends.